ですか。 Guarda, è bene. Fui con chi sono? Thank you. spécialité? Il y en a cinq. On met du temps à sortir. Ah, ça c'est une autre. Je suis plus sur la même fréquence. Et attends, il y en a de différentes. Il y a des grosses qui sortent. Ça serait quoi ça? Ah ouais? C'est celle que vous cherchez? 110, ouais, 102, je l'ai eu. Il y a un mélange de deux espèces. Il y avait deux espèces différentes. Hein. Parce qu'il y avait des fréquences différentes. mon téléphone portable. On est à 50 là, c'est les 4 là. T'es sûr?